déjà on arrive. C'est qui veut couler le navire? Ressens toujours quand on navigue. Ça fait longtemps que j'ai plus besoin qu'on avait. Nous on aime quand ça va vite. On vise que l'authenticité. Pas trop nouveaux amis. La bigrave putain et on tente de cibler. Un plata jusqu'à ce qu'on en peuve plus. Périphérique, je suis dans le neuf. Deux, je connais pas de gens qui n'en veulent plus. C'est mal des morts, renard à neuf. Que elle voudrait me calmer. Bénéfice de le porc caillement. Bon Dieu, je pense qu'à les allumer. Véridique, j'en ai les mains tous salément. Des ennemis, garde à vue, tant de soucis. Wesh, moro, c'est comment? Toi t'es un prêtre, ça se sent dans ton récit. Wesh, moro, c'est comment? C'est à dire, mais bon, il reste que des souvenirs. Petit garçon est prêt avant midi. C'est triste à dire, mais bon, il reste que des souvenirs. J'fais que du seul, allons-y, et sans ligne. Il reste que des souvenirs. J'fais que du seul, allons-y, et sans ligne. Il reste que des souvenirs. Le dos au cendrier, tête blessée sans blier. Tu vas peut-être mourir sans briller, parce que t'es sorti sans briller. Je connais les sentiments, les gros virages s'empilaient. À la bouteille, j'ai noyé les sentiments. J'ai vu la liste de mes ex s'empiler. Salope, dégage, on va pas te retenir. T'as pris coco, on t'avait prévenu. Scalope comico, je veux pas revenir. Big up, j'en connais des vrais détenus. Le big graveur, t'es pas prêt de le tenir. T'inquiète, ils ont signalé ta venue. Monte dans la quantité, t'es prêt à vomir. Minuit 45, j'enlève ta gueule. Tu nous connais, on sauve de moi, on a pilote la caisse en bas. Allez, retourne, t'as, tu ne peux pas venir, pour toi, tu n'as que 100 balles. Ça parle en vivant, ça pose dans la pièce d'en bas. De mauvais souvenirs, ton poteau me questionne pas. Les ennuis, garde à vue, tant de soucis. Wesh, moro, c'est comment? Toi, t'es un traître, ça se ressent dans ton récit. Wesh, moro, c'est comment?